Amen. Amen. Inclinons nos têtes, je vais prier. Tu inamishe mabichwa yetu mitaomba. Dieu grand et puissant vainqueur. Mungu mkubwa na mshindaji wa uwezo. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Jina lako ni Bwana wetu Yesu Kristo. Nous n'avons pas de doute même quand nous nous assemblons. Atuna na shaka hata moja wakati tunajikusanyika. Dans le nom de Jésus-Christ. Mungina ya Bwana Yesu Kristo. Nous croyons de tout cœur. Tunaamini na mioyo yetu yote. Que tu es un Dieu qui exauce les prières. Ya kwamba kumungu leo kunajibu kumaombi. Parce que tu as promis en disant. Sababu rilaka na kusema. Toi tu habites dans les lieux très élevés. Wewe unekala mali ya juu kabisa. Dans la sainteté. Mubutakatifu. Mais sur la terre tu es avec un homme dont le cœur est contrit. Lakini pa dunia hapa huko na mtu ule moyo wake kwenye kuvunjika. Je crois de tout cœur. Naamini na moyo wangu wote. Que chaque sœur et chaque frère. Ya kwamba kila dada na kila nduku. Qui est venu en ce jour. Ule alikuya mwisi kwa leo. Avec un cœur blessé. Na moyo wenye kuumizwa. Avec un souci profond dans son cœur. Na hangaiko ya upana ndani ya moyo wake. De te chercher. Ya kutafuta. De chercher la sainteté. Ya kutafuta utakatifu. De chercher la sagesse et l'intelligence qui vient de Dieu. Ya kutafuta hekima na akili ya kutokea kwako Mungu. Seigneur, tu as promis que tu accordes cela. Bwana ulilaka ya kuamba kunaleta hayo ile. Fais-le, Seigneur, pour chaque frère et pour chaque sœur. Uifanye Bwana kwa kila nduku na kwa kila dada. Je crois que ils ne sont pas venus en vain. Naamini ya kwamba wakuja hapa tu mwabule. Il y a eu un poids qui s'est levé dans leur cœur. C'est de cette façon que tu agis pour attirer quelqu'un vers la prière. Maintenant, tu ne suscites pas quelque chose dans le cœur en vain. C'est parce que tu as une récompense. C'est pourquoi tu as promis en disant. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, toutes ces paroles ne sont pas écrites comme des slogans. Quand déjà dans l'ancien temps tu disais, cherche-moi et je me laisserai trouver. Tu es Dieu qui te révèle. Tu es Dieu, Seigneur, qui ouvre l'esprit et le cœur. Fais-le, Seigneur, pour que notre joie soit parfaite. Te le demandons, Seigneur, interviens en faveur de chacun de nous. Interviens en faveur de nos maisons. Interviens en faveur de nos couples. Interviens en faveur même de nos fils et nos filles. Suscite la foi véritable. Seigneur, que ces enfants soient véritablement des panneaux publicitaires en ces temps de la fin. Que ces enfants soient vraiment des instruments entre tes mains. Ils peuvent physiquement ne pas être à la hauteur. Ils peuvent spirituellement ne pas savoir comment prier. Mais Seigneur, tu es Dieu qui sait intercéder pour la cause des justes. Nous abandonnons entièrement entre tes mains. Bénis ton serviteur qui s'est tenu ici depuis le matin. Renouvelle la force en lui. Et renouvelle toutes sortes de vertus en lui. Maintenant ce soir, mets des paroles de grâce sur ma langue. Écarte-moi du chemin. Toi-même parle à nos cœurs infirmes. Que tes paroles, Seigneur, aient des effets dans nos cœurs. Que tes paroles guérissent totalement nos vies et nos corps. Souviens-toi des frères et des sœurs qui nous suivent en ligne. Souviens-toi des frères et des sœurs qui ne sont même pas parmi nous, qui sont absents. Seigneur, accorde-leur ta faveur. Demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous prenons notre texte habituel. 1 Corinthiens chapitre 1. Wa Korinto wa kwanza sura yake ya kwanza. Verset 5. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Les témoignages de Christ ayant été solidement établis parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse les portions de l'Écriture. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui suivent en ligne. Petit à petit, nous cheminons vers la fin de ce sujet pris il y a quelques semaines. Néanmoins, le poids que Dieu a mis dans mon cœur verra ce que le Seigneur lui-même, comment le Seigneur lui-même conduira la chose. Hier, il y a une citation que je voulais vous lire vers la fin qui m'a échappé. J'avais mal numéroté ça. C'est celle-ci. Dans la prédication, le Dieu de cet âge mauvais. Citation, ce n'est pas 41, c'est la citation 34. Écoutez l'avertissement du Saint-Esprit. Le Dieu de cet âge mauvais. Oui, 34. Suivez calmement. Mufate na utaratibu. De tous les âges de séduction depuis le jardin d'Éden, il n'y a jamais eu un âge de séduction comme celui-ci. Il est écrit, il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ, des faux oints. Ils feront des signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il fait allusion à Matthieu 24:24. Maintenant, Sasa, ces églises froides et formalistes, sasa hii makanisa ya baridi na ya kuonekana tu kwa nje nje, cela ne pourrait pas, les élus n'accorderaient pas d'attention à cela. Bateule baweze kuteka angalisho sana kwa ile. Mais, lakini, il s'agit de là où la chose est presque identique à la véritable chose. Iko ni fazi pale mambo iko kabisa kabisa sana ya pamoja. Ah. Et tout ce qu'il vous faut faire, na byote bile mifazali kufanya, c'est juste laisser une seule parole de côté, ni kuacha tu neno moja kupembeni, et Satan vous attrape. Na shetani anakubamba. Cela est promis pour cet âge. Ile nalakiwa ni mwika kizazi. Chrétiens de partout, prenez garde à l'heure dans laquelle nous vivons. Notez cela, lisez et écoutez attentivement. Il pose maintenant la question à la citation 35. Pourquoi Dieu appellerait-il un peuple pour porter son nom dans cet âge mauvais? Eh bien, c'est pour l'éprouver. Elle doit être testée, son épouse. Amen. C'était cette citation que je tenais à lire hier quand je faisais le commentaire au sujet de garder plus de 99% de la parole et 1% de quelque chose de faux qui n'est pas la parole. Mimi nilipenda kumifasilia jana wakati nilikuwa nafanya hii ma commentaire yule 99% na moja. Il dit faites très attention. Sema msipoke sana. Parce que nous vivons un âge de la plus haute séduction depuis le jardin d'Eden. Je tu kunaishi mkizazi cha utongozi ya nguvu tangia kule kukusanya wa Eden. Écoutez comment il dit encore ici. Musikie tena vile anasema hapa. Je prends la prédication La force parfaite par la faiblesse parfaite. Nguvu kamilifu kupitia udhaifu kamilifu. Ah non, étroite est la porte. Nyembamba ni mlango. Je vais confondre. Étroite est la porte. Nyembamba ni mlango. Prédication du 1er mars 1959. Citation 136. D'abord, il commence à la citation 131. Il y aura certainement une grande déception au jugement. Utakuya kabisa kabisa kukosewa kwa mingi kuhukumu, usiku ya hukumu. Le vendeur d'alcool, lui, il sait où il se retrouvera au jugement. La prostituée aussi sait où elle se retrouvera. Celui qui joue à l'argent sait aussi lui aussi où il se retrouvera. L'ivrogne aussi sait où il se retrouvera. Il ne sera pas déçu. Mais ceux qui seront déçus, ce sont ceux qui pensaient être dans le vrai. Voilà ceux qui seront déçus. Une fois arrivés là, ils diront, bien sûr, nous avons chassé des démons en ton nom. Nous sommes prédicateurs. Nous sommes choristes. Membres de telle église. Nous avons fait de grands miracles. Eh bien, il leur dira, retirez-vous de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Voilà, c'est là qu'il y aura des déceptions. Amen. Citation 136. Il pose d'abord la question à la citation 135. Qui sont-ils, frère Branham? Je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Mais nous travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Mettez-vous en règle avec Dieu. Si votre cœur ne bat pas à l'unisson avec cette Bible, si votre vie ne bat pas au même rythme que cette Bible, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Peu importe ce que dit votre Église, vous ne pouvez pas entrer sur base de cela. Vous devez entrer sur base de ce que Dieu a dit. Voici le livre d'après lequel vous serez jugé. C'est la Bible. Ne vous en éloignez pas. Oh, vous diriez, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est correct. C'est conforme à la Bible. Mais, si cette vie que vous menez ne suit pas, cela ne vous servira pas à grand-chose d'avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous direz, oh, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est bien. C'est ce que vous aviez à faire. Mais si à l'intérieur, la vie de Christ n'est pas là, c'est en vain. Amen. Amen. Aujourd'hui particulièrement, je voulais qu'on lise quelque chose dans les livres de Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 12 plutôt. Sura ya 12. De Corinthiens chapitre 12. Wa Korinto wa pili sura ya 12. Verset 9. Il m'a dit, Arinyambia, ma grâce te suffit, nema yangu inakwenea, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Sababu uwezo yangu inatimilikaka ndani ya udhaifu. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, mitajitukuza basi mzuri kabisa na udhaifu yangu, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je ne pouvais pas terminer cette prédication sans faire allusion à ces deux écritures. C'est sur base de ces deux écritures que le Saint-Esprit par Frère Branham a prêché la prédication La force parfaite par la faiblesse parfaite. Roho Mtakatifu kupitia ndugu Branham arubiri nguvu kamilifu kupitia udhaifu kamilifu. Ah, nguvu kamilifu kupitia udhaifu kamilifu. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Même moi, en lisant dans les temps, je ne comprenais pas bien le sens de cette prédication. Mais pour que nous ne perdions pas beaucoup de temps, je vais vous lire quelques citations de la même prédication pour que chacun de nous ait un éclaircissement. Pourquoi? Vous êtes sans ignorer, Paul insistait à plusieurs occasions en disant ceci, demandant aux croyants de son temps, il leur disait, imitez-moi, comme moi-même je suis imitateur de Christ. Puisqu'il faut imiter Paul, lui l'apôtre qui nous a apporté, nous les gens des nations, l'évangile. Regardez ce que Paul dit dans le verset 9. C'est le Saint-Esprit qui lui donne ça. Ma grâce te suffit. Car, c'est ce que je veux que vous reteniez, la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Verset 10. La dernière phrase. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La question est simple. C'est à quel moment que le Saint-Esprit a parlé à Paul de cette façon? Relisez tout le chapitre un peu plus haut. Paul était malade. Il priait pour des gens. Les gens étaient guéris. Mais lui-même, tout un silence total. Et regardez le verset 8. Il dit, trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. En quelque sorte, je préfère que tu restes dans cet état. Cette chose-là me permet, moi Dieu, de bien t'utiliser. Et quand Paul a compris ça, il ne se faisait plus de soucis. Il a continué. Maintenant, écoutez comment le Saint-Esprit l'interprète dans notre âge. La force parfaite par la faiblesse parfaite. Suivez, je vais lire beaucoup de cette prédication. Citation 71. L'histoire confirme. Adisi kuna kikisha. Et elle le fait maintenant. Na ikuna ifanya apa sasa. Que Dieu choisit toujours des hommes de rien pour en faire ses grands hommes. Lakini Mungu anachakulaka paka batu wale babulebule njo kubafanya bakue batu. Dieu prend un homme qui n'est rien. Mtu anabebaka paka mtu lana na kitu. J'aimerais qu'on retienne ça. Napenda tubambe ishe bote. Dieu cherche des hommes de rien et des femmes de rien pour les élever. 1 Corinthiens chapitre 1. Wa Korinto wa kwanza sura ya kwanza. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu a nini Mungu anafanya vile? La grande leçon à retenir ici. Majifunze mwenye kubamba pa. Pendant que vous cherchez en Corinthiens chapitre 1. Wakati mtafuta Wakorintho wa kwanza sura. Retenez une chose, frères et sœurs. Kubambe kitu kimwa ndugu na dada. Le Dieu en qui nous croyons, Mungu le tunamini, c'est un grand Dieu. Ni Mungu munene, mais quand il veut agir, wakati anatafuta kutenda, il descend. Eko na jishusha. Au plus bas niveau. Eko na jishusha chini kabisa. Pour agir. Faites très très attention dans la marche de la foi. Vous êtes prédicateur, diacre, choriste, quoi que ce soit. Faites très attention. La manière d'agir de Dieu, c'est de prendre ce qui est bas et commencer à agir par celui-là ou par celle-là. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 26. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Pourquoi? Lui-même Dieu donne la réponse. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Kushikuye muntu wa kwanza kurisifu wa se mie ni njuu ndikuwa kana omba sana. Unaona ndianza kufunga chakula sana. Mie ni kwanza kulofa kanisa sana. Dieu n'est pas comme ça. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Verset 31. Afin, comme il est écrit, que celui qui se veut se glorifier doit se glorifier dans le Seigneur. C'est ça le principe. Si, sabatoto ya Mungu. En tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu kama Mungu apana kuingia mu maisha yako. N'entre pas dans ma vie. Au kuta kwa kini. Si Dieu n'était pas kama Mungu ye asikukusaidie. Si Dieu n'était pas akukuta kwa kintu. Inafana shibenye bote tuamini akusema. N'était-ce l'intervention de Dieu dans notre vie. Nous ne serons pas ce que nous sommes. Que cela chasse totalement l'orgueil de nos cœurs et que cela nous garde dans l'humilité. Tous les jours de notre vie, nous devons apprendre à nous abaisser pour donner l'occasion à Dieu, lui, d'être manifesté. Frère Branham, dans la même prédication, je vais résumer ça. Il donne l'exemple d'un grand évangéliste qui a vécu aux États-Unis. C'est Moody. White Moody. C'était un cordonnier, un illettré totalement. Et cet homme-là, Il n'avait même pas le verbe facile. Dieu l'a utilisé en son temps, vers le 19e siècle. 1800 et quelques. Dieu l'a utilisé pour en faire un grand évangéliste et beaucoup d'âmes furent sauvées par ce ministère-là. Un peu comme il a fait avec Frère Branham. Tout un primérien, Dieu l'a retiré de quelque part et il en a fait un grand messager. Voyez. Maintenant, déjà en ce temps-là, vers les 1800, comme il y avait beaucoup de convertis par ce ministère de Moudi, un journaliste était curieux. Comme vous connaissez l'esprit des journalistes, pour eux, c'est toujours chercher à savoir l'information afin d'en répandre. Je me rappelle même lors du décès de Frère Franck ici d'Allemagne, j'ai vu un journaliste de Djedidja qui est venu pour chercher à questionner le pasteur. Ce qui m'étonne, mina ba shangaka. Kwamini amupende kwamini. Mais quand on a dit alama fulani nafanyika, banasema no, bale banesi tupa réponse mzuri ni aba kutabernak. Depuis ce jour-là, il n'est plus revenu. Mais néanmoins, ils veulent savoir qu'est-ce que cela, qu'est-ce qui va arriver. Le journaliste là en son temps aussi, voyant les signes et les prodiges qui arrivaient dans le ministère de Moudi, il est venu pour voir un peu à quoi ressemble l'homme là, puisque il y avait beaucoup, beaucoup de convertis. Maintenant il était curieux de prendre des photos de l'homme en question, le questionner un peu. Il est arrivé. Moudi, c'était un homme de petite taille. Kafupi na mandevu ya mingi. Avec beaucoup de barbe. Pas là en Afrique. Lorsqu'il est arrivé, regardez la réponse et le commentaire du journaliste. Citation 148. Citation 146. Ainsi donc, comme Moudi attirait l'attention de beaucoup de gens, il y eut donc un journaliste qui allait vers Moudi à la réunion pour essayer d'avoir le portrait de Moudi. Et comme ce journaliste était allé récemment pour prendre le portrait de Moudi, il pensait qu'il trouverait un homme éloquent, un docteur en théologie. Alors je prends carrément la citation 148. Le journaliste est arrivé et après la rencontre, il a dit, je ne vois pas ce qu'il y a en lui de spécial, ce qui peut attirer quelqu'un. Au départ, il est tout ce qu'il y a de plus laid. Donc, d'abord physiquement, il n'est même pas beau. Ensuite, sur le plan physique, c'est une épave, mouchiquez ma terme, mais il est tout ce qu'il y a de plus laid. Et puis physiquement, c'est une épave. Il est sans instruction. Sa grammaire est la plus médiocre que j'ai jamais entendue. Il bégaye quand il prêche. Je ne vois rien qui puisse attirer l'attention de quelqu'un. Citation 149. Cet article, il est allé, il a écrit ça dans son journal. Cet article fut apporté à M. Moody. Il a lu cela, il a rigolé en lui-même et il a dit, certainement c'est la vérité ce qu'il dit. Les gens ne viennent pas voir Moody, c'est ce qu'il a dit. Mais les gens viennent voir Dieu. Amen. Amen. Lui-même le prédicateur. Il dit, moi, ce qu'il a dit là est la vérité. Je ne suis pas beau, je suis une épave, je suis sans instruction, j'ai un langage médiocre et tout ça. Il dit, c'est la vérité. Mais les gens, lui ne peut pas comprendre que les gens ne viennent pas me voir moi. Les gens viennent voir Dieu qui est en moi. Amen. Et ça a retenu beaucoup mon attention. Et même Frère Branham dit maintenant, dans la citation 71, Dieu choisit toujours des hommes de rien pour en faire ces grands hommes. Dieu prend un homme qui n'est rien. Amen. Amen. Suivez. Citation 76. N'ayez rien en vous sur quoi vous puissiez compter. Ni rien que vous puissiez faire. Si ce n'est abandonner totalement tout ce que vous êtes entre les mains du Seigneur. Totalement vous livrez entre les mains du Seigneur. N'ayez rien, aucune capacité en laquelle vous pouvez vous confier. Sondez les Écritures et vous allez voir que Dieu utilise toujours les faiblesses des hommes. Amen. Citation 77. Dieu a toujours utilisé des hommes de rien pour en faire ces grands hommes. Il a toujours pris ce que le monde avait rejeté. C'est le genre qu'il prend et utilise. Citation 78. Voyez. Dieu s'est passé des grands hommes. Ces gens qui pensaient être importants. Il a pris ceux qui n'étaient rien et il les a utilisés. 79. Un grand homme peut faire partir de son peuple. Mais Dieu peut l'utiliser si seulement il peut oublier qu'il est un grand homme. Si vous êtes prêt à oublier que vous êtes un grand homme et accepter à devenir un homme de rien, alors Dieu peut vous utiliser et faire de vous un grand homme. Mais il vous faut oubliez que vous êtes très important. Amen. Il continue. 86. Il fait allusion à Paul. Oui. Écoutez cet homme ici. Malgré toute son instruction, après qu'il ait reçu Christ, il a dû oublier qu'il était fort et grand. Amen. Amen. Il a dû oublier tout son passé et il s'est donné seulement au Seigneur. Citation. Je prends 91. Écoutez ce grand guerrier de Paul. Il s'était totalement dépouillé. S'il y a quelque chose dont nos églises ont besoin aujourd'hui, c'est de se dépouiller d'elles-mêmes, de leurs pensées, de leurs propres capacités. Dépouillez-vous devant Dieu et Dieu vous utilisera. Amen. Amen. Il continue. Je prends toutes ces citations et je vais faire un petit commentaire et puis on s'arrête là-bas. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Ce dont tout homme a besoin, c'est de perdre son moi. Perdre sa capacité. Perdre ce qu'il est. Afin de s'abandonner totalement au Saint-Esprit. La ménagère a besoin de cela. L'écolier ou l'écolière a besoin de cela. Même nos petits-enfants ont besoin de cela. Citation 111. Dieu a dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pour dire, plus tu deviens faible, plus tu t'abandonnes à moi, mieux je peux t'utiliser. Plus tu peux oublier ton instruction, plus tu peux oublier ta renommée, plus tu peux oublier ton rang social, c'est alors que Dieu peut t'utiliser. Citation 113. Regardez l'humilité de son fils. Non, je prends 118. Dieu choisit des gens faibles et humbles pour bâtir son royaume. Retenez ça. Dieu choisit des faibles et des humbles pour former son royaume. Ce sont des brebis, des gens sans défense. C'est très long, je m'arrête là-bas. Qu'est-ce que nous voulons dire, frère? Qu'est-ce que Paul voulait donner comme leçon aux gens de Corinthe autrefois? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous on retienne une fois pour toutes ce soir? L'esprit de cet âge, c'est un esprit de prétentieux, de vantard et de l'orgueil. Après toutes ces corrections et même d'autres que le Saint-Esprit peut te révéler dans ta vie particulièrement, que devons-nous dire, que devons-nous faire? Devant Dieu, c'est de savoir descendre. La loi de Dieu, quiconque descend, c'est celui-là que Dieu élève. En venant auprès du Seigneur Jésus, Jésus a besoin d'une seule chose en nous, c'est de voir combien, de constater combien nous sommes incapables. Combien nous ne valons rien. Combien nous sommes moins importants que toute l'assemblée ici. En venant auprès du Seigneur, frère, oubliez tous vos rangs sociaux. Oubliez tous vos niveaux de vie. Chers frères, mettez ça de côté. Considérez que le seul qui est important ici et le seul qui est élevé, c'est le Seigneur Jésus. Nous devons nous regarder tous comme des brebis du Seigneur. Nous devons nous regarder comme étant la personne la plus élevée pour nous, c'est le frère ou la sœur. Selon le principe de Dieu, Dieu utilise des gens qui savent descendre. C'est pourquoi, quand Paul disait « imitez-moi », qu'est-ce qu'était Paul ? C'était un grand érudit, un homme qui avait de très grandes responsabilités. Mais lui-même dit, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai appris à descendre et à descendre plus bas à cause des élus. Regardez comment lui-même parle, 1 Corinthiens chapitre 2. Nous vivons un âge de l'orgueil, un âge de m'as-tu vu, un âge de la prétention, surtout quand quelqu'un, la vie matérielle ici semble bien marcher, et que le niveau d'études est élevé, on a eu à tout que c'est mako français, sana, on a eu à bintu bien mingi bien par internet, on a eu à qu'un peu beaucoup de choses de l'extérieur, plus que la sœur ou le frère. L'homme semble croire que Dieu tient compte de ces critères-là pour bénir un homme spirituellement. Surtout comme on en a dado le kunai ou au frère kunai, il est d'un niveau trop bas. Vous commencez à considérer que vous ne devez que fréquenter des gens de votre niveau, de votre rang social. C'est déjà faux. C'est déjà faux. Le même esprit de secte qui a eu là-bas, ne pensez pas que ces esprits sont morts à Corinthe. Ce sont des esprits qui nous ont rattrapés. Observez, dans la majeure des cas, les gens commencent à former des petits clans selon leurs intérêts, selon leur niveau, selon leurs connaissances, selon leurs estimations. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Entendu? Ah. Nous, on est des brebis du Seigneur. On est des brebis du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2. Pour moi, frère, verset 1, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage. Paul n'est pas allé pour leur démontrer combien il a étudié, combien il a voyagé beaucoup de pays, il a été aux États-Unis et partout là-bas, non, ou de sagesse. Que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ. Ce qui intéressait Paul déjà à l'époque là, frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. Ça s'arrêtait là-bas. Urifunda, ukufunde, unatumikaka watu na nyumba yako iko ya je, haina biashara. Paul, ça importait peu. Si c'était ça le Saint-Esprit autrefois, le Saint-Esprit aujourd'hui agira de même. On est ensemble, hein? Ah. Quand tu as le Saint-Esprit, tu prétends avoir le Saint-Esprit, il agira en toi comme il agit en Paul. C'est pourquoi Paul dit, imitez-moi. Il est celui qui a rencontré la colonne de feu, qui a fait une expérience que toi et moi, nous, on ne peut pas égaler. Mais regardez, il dit, quand j'allais chez des frères, quand j'allais chez des sœurs, la préoccupation, c'est de savoir si ils ont reçu Jésus. Il quoi ya kujua kama walisha kupokea Yesu au hapana. Amen. Et ça, ça doit être un mode de vie pour nous. Je vais chez le frère. Mon problème à moi. C'est incroyant qu'on ne chie pas les. Il n'a pas étudié, il a étudié. Il n'a pas de salon, il n'a pas de maison. Cela ne me concerne pas. Mon problème, c'est que ce Jésus que nous avons peut apporter toutes choses. Bon embarique. Que le Seigneur vous Dada au nduku, sœur ou frère, anesha kupata neema, Mungu anesha kumchagula. Dieu l'a déjà choisi. Eko mumoya ya nkondo ya Yesu Christ. Il est l'un des brebis de Jésus-Christ. Na kwetu chez l'homme ou la femme que Dieu considère et qui est précieux devant Dieu. Mwanamke le Mungu anaonea mko wa bei mbele ya Mungu. Pour toi une chrétienne. Mimi mkristo mwanaume mwanamke. J'ai plus de considération de cette frère, de ce frère et de cette sœur. Dada ou le nduku na bei kabisa. Pour toi il dit. Je comment on anasema. Nous ne regardons plus les gens selon la chair. Atuangalie tena batu kufuatana na mwili. C'est selon qu'il a trouvé grâce au président. Ni vya ripata neema kwa Bwana. Hata kama alifanya kanya bintu ya ovyo. Même s'il avait fait des choses qui ne sont pas bonnes. Kama kutengeneza maisha yake. Pour moi ça suffit. Kwangu mimi na nyenea. Si il est en ordre avec le Seigneur. Kama katika usawa na Bwana. Ça importe. Ile le reste qu'il a fait, on jette dans la mer de l'oubli. Ili vingine tupa mbari ya kusabwa. Hata kama barumupaka mimba. Même si on a bien mouté. Même si il avait fait ce pour moi, il s'est converti. Il a donné sa vie à Christ. Elle est une de nos sœurs. Un point étrange. Elle a droit au respect que j'attache au Seigneur. Anastahili ni upe shima le nompatia Yesu Bwana. On est ensemble, hein? Je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Christ crucifié. Écoutez maintenant, moi-même, malgré son expérience, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse. Nami et pas le mi kuna kuya kuba frère na ba sœur. Et moi-même quand j'allais chez le frère. Chaque fois ça nami belle ni kuna richoucha. La première des choses je m'abaissais, je m'humiliais moi-même. De crainte et de grands tremblements. Na boka na kutetemeka. Ayant compris que je suis ce que je suis, c'est la grâce du Seigneur. J'entre dans la maison du frère. J'entre dans la maison de la sœur. C'est seulement la grâce du Seigneur. Et nous y entrons avec beaucoup de respect. Si tel était notre mode de vie, on ne parlerait pas du mal des uns. L'amour couvre une multitude de péchés. Tout est chimiana sana. Nous honorerons beaucoup. Peu importe l'âge, je saurai kipimo, que elle est l'âme pour laquelle Jésus a donné sa vie. Eko ni nafsi juu yayo Yesu atoa uzima yake. Il continue. Anaendelea. Il dit ceci moi-même de crainte et de tremblement. Na boka kutetemeka. Et ma parole. Na neno langu. Et ma prédication. Na mahubiri yangu. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Aliye yule ya mahutuba moyo ufamu ya hekima. Frère, banduku. Hawezi kwenda unayao kusema huyu dada. Vous savez que cette sœur asikufunde masomo. Na pas beaucoup étudié. Huyu frère asikufunde masomo. Frère n'a pas beaucoup étudié. Unaanza kusulever mambo ya informatique ile yash bambilie mtu. Vous commencez à parler de l'informatique, les points sur lesquels lui ne sait pas retenir quelque chose. Unayao kusema huyu dada ta téléphone ya mabuton ashina naye. Vous savez que cette sœur frère ta téléphone ya mabuton ashina naye. Mabuton ina na pas. Frère, unaona kama unaingia pa WhatsApp. Nduku, voyez si vous entrez sur WhatsApp. Vous l'embrouillez. Huko na mvuruka tu. Est-ce que bibu na muyenga? Est-ce que ça l'édifie? Sans les disciples. Si et tout angaria, nous nous regardons. Je vois que c'est un niveau. Moi d'abord, je commence par descendre. Je commence à pour être avec la sœur dans le même esprit. Je n'ai dans le même esprit. Bon embarik. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous, on doit avoir le même style de vie. Riche ou pauvre, nous sommes confondus. C'est pourquoi, observez même les disciples en leur temps. On cherchait à savoir qui sera plus grand parmi eux après Jésus. La réponse de Christ a été très correct. Quiconque veut être très grand parmi vous, il ne soit l'esclave de tous. Qu'il descende, qu'il soit d'abord au service des autres. Et le christianisme, frère, c'est d'abord être le travailleur de l'autre. Être à la disposition de la sœur ou du frère qui n'a même pas ton niveau d'études. Qui n'a même pas le rang social que toi tu as. Maintenant, lorsque vous regardez, pour aller dormir à ce deuil, ils sont de tel niveau. Ceux qui doivent aller aider la sœur, c'est déjà faux parmi nous. C'est déjà faux. Parce que Dieu choisit, lui-même nous dit, j'ai choisi les choses qu'on méprise. Et j'en fais des choses de valeur. Ça, ça doit être un principe pour nous. Dieu est dans les choses viles. Dieu descend plus bas, même vers l'illettré, pour en faire son élu. Or, le christianisme du temps de la fin, nous commençons à considérer que Dieu est un Dieu intellectuel. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pourquoi il disait à Paul, moi ma puissance s'accomplit quand tu es faible. Quand les gens sont dans le plus bas niveau, c'est là que je démontre que moi je suis Dieu. J'ai choisi qui je veux, j'appelle qui je veux, j'élève qui je veux. Napandisha ulemi napenda. On est ensemble. Si et tout va tout ya Mungu. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que le rang social, les rangs sociaux, disparaissent du milieu de nous. Qu'on en trouve, qu'on n'entende même pas ce langage là. Il faut que le celui qui est au bas niveau là, entre chez la sœur ou chez le frère du plus haut niveau, sans gêne. Amen. Amen. Et ça, c'est des choses qu'on a vues dans le christianisme primitif. Au temps de Corinthe, qui ont commencé à disparaître. Et au temps de la fin, cela commence à disparaître. Vous voyez, nous allons même très loin. Dieu, frère, quand il nous appelle, il appelle et les pauvres, et l'intellectuel, et quoi que ce soit. Toi, tu ne dois pas mettre un point final à l'appel d'un frère ou d'une sœur. Peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Parce que le dernier mot revient au Tout-Puissant. Maintenant, regardez ce que nous nous faisons. Il suffit que le frère ou la sœur habite tel coin. Déjà dans ta classification, Mukupanga kwako kya maisha, le Saint-Esprit toi que tu as, te donne une classification selon laquelle fatana ile, tel qui habite ici, ule tel qui est ici, uku, tel qui est comme ça, ule kwevi, son niveau est là-bas. Yake as-tu demandé à Dieu quel est le niveau spirituel de cette personne que toi tu fais la classification? Kwa mungu, ce n'est pas ça. Aina vile. Ukunona ba frère bengine hapa. Vous voyez certains frères ici. Kuku ba frère bale na mwake kunaisha ashamchofia kataka kumsalimia. Il y a certains frères qui ne s'approchent même pas d'un frère même durant ba dada bengine. Kuku ba dada bale ashia kwaka na souci ya kuyua tanjina yake. Certaines sœurs n'ont même pas le souci de connaître le nom d'une telle sœur. Mais ukunenda pa kumbingu. Mais vous dites que vous irez vous saluer seulement au ciel. Mutaiwana kama ntina kumbingu. Vous connaîtrez vos noms seulement au ciel. C'est faux. Ni bongo. C'est faux. Ni bitu vya bongo. Si ce sont les sœurs et les frères que Dieu t'a donné. Kama ni banduku na badada bale Mungu alikupatia. Angalia vile vitu tunafanga njoo mimi nashangaa. Regardez ces choses que nous faisons. Mon famille est comme monde a toujours dit. Dans nos familles pas que le monde rasemaka. Mko bantu bengine mko ba mfumu mba famille. Il y a des défunts dans leur famille. Eko na courage ou le mfumu shiku anniversaire ana mposter mfumu. Il a même le courage de poster ce défunt là le jour de son anniversaire. Eko na ndukwa ke musharati tu mwanamke musharati. Il a et sa sœur anniversaire ana mupublier. Le but est le jour de l'anniversaire. Mais mfumu anakupa manafsi ya bei iko hapa. Mais Dieu te donne des hommes de grands prix. Ouais ba ku bale on a publié ka tunesha na kuvaya se niaba na ama bengine. Les siens que tu publies ce sont les autres. Les autres quoi kuwe abikala keku. Ça, c'est pour Dieu, ce sont ses élus. Mais pour toi, ils n'existent pas. Ça prouve que le ciel où ils iront, ce n'est pas le ciel là où toi tu prétends aller. C'est dur, mais c'est ça la vérité. Je ne pouvais pas terminer sans mentionner cette chose-là. Sasa kama shi deja benye bate ule vile tukunatema. Kama lakini shi benye tunajita tsema nous sommes des élus. Il y a des groupes. Kuko tumankuji. Il y a des considérations. Il y a kuko neana mabipimu ya maisha. Mena, ni mbingu ya je tutendaka. Mena, c'est quel ciel où nous irons? Parce que selon la Bible, Fatana Biblia, nous serons assis à la même table. Tutekala kumeza moya moya. Jacob. Yakobo. Abraham. Ibrahimu. Isaac. Saka. Et tous les saints. Na batakatifu. Sans discrimination. Bila kuchakula mo. Mais sur la terre, lakini pa dunia, à ta table, kumeza yako wewe. Yake tel, José, fulani, José, Romain, Romain, na mtu mwingine. A bengine. Les autres. Bende kumeza ingine. Akiza ya l'autre table. Mais kumbingu, mais aussi, on a beaucoup mis à mourir. À la même table, ici, d'abord, ils sont répugnants. Mais kumbingu, on va te croire propre. Mais aussi, c'est alors qu'ils seront propres. C'est une fausse chose dans notre foi. Que Dieu nous vienne en aide. Acceptons cette correction. Et descendons. Prions. Que Dieu Mungu nous aide à savoir descendre. A tu fundisha tujue kushuka kabisa. Frère, c'est comme je l'ai toujours dit. Ni vile mine yisemaka. Si bote vitu kwa. Nous tous tels que nous sommes là. Aba wana kumela musafrika. Cela on. Mouchikula. Aba wana tuka kungandanjika. Akikula dote vien de. Mais utona muntu. Vous verrez quelqu'un. Ana kumela pa komu mu grand katanga umu. Peut-être le makasai dans le grand katanga. Quelque chose comme ça. On n'a pas ça moyen qu'il et il trouve un peu de moyens. On a que tu comportais ça ritoka kubulai. Et il commence à se comporter comme s'il est venu de l'Europe. Ni bintu bya bongo. Ça c'est faux. Ni bintu bya bongo. C'est vraiment faux. Ukuna frère, ukuna kusema ashishike français. Vous êtes avec le frère la sœur. Vous savez qu'il ne comprend pas le français. Débat, on a pandisha yulu sana. Prenez, vous élevez votre débat. Vous l'embrouillez. Ukuna mvuruka tu. Et vous ne l'édifiez pas. Na amujenge mkito takimoe. Vous ne l'édifiez pas. Amumujenge. Si vous tu n'as comment mon Kiswahili n'a rien ce qui ne comprend pas le Swahili. Des fois on parle français c'est pour les gens qui ne suivent pas. Des fois tout le monde sait que français n'est pas des fois tu comptes en. Mais tous ici on peut prêcher, on peut parler en Swahili. Mais chez Bota ba tu as ça comme Swahili. Même pas le bon Swahili de l'Est mais le Swahili vulgaire que nous connaissons ici. Attends, ana ta Swahili ya kule ku. Qui n'a pas cette histoire yetu ya umwetu. Nana shikiaki. Mais à cause seulement d'un peu de niveau de vie. Lakini kwa sababu tu as onekana maisha kana panda hapo kaloko. Non, les gens commencent à considérer que même le Swahili. Bota unaweza kuona sema ta Swahili. Qu'est-ce que toi tu as fait le bas peuple? Mais le Seigneur est descendu parmi le bas peuple. On a réchauffé tes élus. Nous on doit avoir la manière de voir les choses divines. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la petite chose que j'allais ajouter avant de clôturer. Nous allons voir ce que le Seigneur fera dimanche. Je donnerai tous les résumés et un petit sujet pour terminer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous levons pour dire à Dieu, sincèrement Seigneur, il n'y a pas que ce que tu as dit. Il y a ce que le Saint-Esprit peut me révéler individuellement. Continue à me reprendre toutes les fois que j'emprunte une mauvaise voie. Toutes les fois quand moi s'élève une quelconque considération humaine de frères et de sœurs, pas seulement ceux-là qui sont ici, même nos païens ici, ne tiens pas compte d'un rang social. Tu ne sais pas ce que le Seigneur peut faire d'un homme ou d'une femme. Parce que autrefois, nous tous ici, on était égarés. Amen. Prions tous.